Le sionneur de 010. Assez car. Ça commence par une pensée aux frères derrière les barreaux. En ce moment, dans ma tête, ouais, ça tourne pas rond. Avec le temps, à croire que je deviens parano, je m'imagine le pire chaque fois qu'on tape à ma porte. J'ai vu des frères s'anéantir par la drogue. Les barres de 10, non, c'est pas ça qui rapporte. Donc tu prends des risques et tu passes à la coke. Faire du bis est à la mode, ta fausse tête maîtrise tes potes, ouais. Observe-la bien et tu verras qu'on vit une triste époque. Moi, dès le réveil, je quitte la colle et je quitte la prod. 16 ans quand je quitte l'école, je déçois ma mère et je ramène pas de diplôme. La chance se tire et je sais que je la verrai pas de sitôt. Certains misent tout sur les risques, un peu comme au casino. Comment miser sur soi quand t'as pas les cartes qu'il faut? Ça part ma bague, mais aucune occasion. Ils sont ici tous pères en un quart de seconde. Ok, j'avoue j'ai mal mais je le montre pas. Bienvenue dans ce monde de base où tu marches toujours à contre-pas. Les frères sont là mais la plupart ne le restent pas. J'achèterai pas mon bonheur avec un chèque repas. Tu sais que le soir je gratte ma feuille en espérant. Puisqu'on vit comme des chiens et qu'on reste errant. Je place des messages et des appels à l'aide. On a tous une destinée mais je voudrais zapper la mienne. Tous les soirs c'est la même, là j'ai capté à Kerl. Savoir est une arme et dans mon crâne c'est la guerre. Donc j'ai creusé les tranchées. Ici les gens s'égarent absents mais à la chance c'est rare. Comme la beuh chez les Français. J'ai peu de souvenirs, ouais la fume les efface. Dans mon quartier c'est la reste depuis que la thune fait des phases. Chacun sa cause, moi c'est fou et que je milite. Pour écrire toute ma rage, je voudrais une bouteille de Willy. J'ai vu ma vie comme un tuche sans papier. J'ai dû distinguer les vrais puis les putes en quartier. Universal, j'ai vu ma plume s'encrasser dans la cité du fer avec des burnes en acier. J'ai vu ma vie comme un tuche sans papier. J'ai dû distinguer les vrais puis les putes en quartier. Universal, j'ai vu ma plume s'encrasser dans la cité du fer avec des burnes en acier. Si la vie est un long fleuve, je me la coulais douce. Vu que la confiance rend aveugle, moi j'ai coupé court. Je croyais que la vie serait coulée douce. Là, j'aimais pas l'école, j'ai nié tous les cours. J'admets c'est pas facile d'encaisser les coups. Je te donne pas de conseils, non, je suis pas la pour. Chacun sa chance, moi j'attends mon tour. Je reste patient tout en sachant que l'horloge tourne. J'ai pas le temps, faut que ça change, que les portes s'ouvrent. Je sais ce que c'est perdre un proche et j'en souffre. Pourquoi chercher la mère quand c'est elle qui te trouve? Le plus dur c'est pas la chute, regarde la haine te le prouve. Dédicace au poteau Abdel sous écrou. Pour partir au bled, c'est des barrettes qu'on écoule. J'taffe en scrète, on sait jamais si le tel est sur écoute. J'ai la haine et j'marche avec tous les jours. La vie est belle, sincèrement parfois j'y doute. Ok, et ouais hacker, je t'avoue que la haine me ronge. On m'a dit toi t'es fou tant que la terre est ronde. Une bouteille pour combler la soif de nos rêves. Les jeunes tombent dans la neige comme un soir de Noël. Puis y'a des traves comme Tony P. Les gosses mal polis aiment Tony M. Sans savoir qui a commis pire. Des idées sombres dans ma tête j'y vois pas. En dispute avec moi-même comme un frère si à moi. Je me fie à son père, le visage rempli de déception. Quand tu connais pas les règles, y'a pas les exceptions. Je fais partie de ces jeunes qui grandissent dehors, qui rêvent de réussir avec un grand disque d'or. En guise de reconnaissance, y'a ceux qui brandissent le Glock pour atteindre le top 10 des plus grands bandits de l'Europe. Mais c'est pas ça qui rapporte quand les risques rattrapent. Là, je suis prêt à tout lâcher alors qu'ils disent que je m'attache, ouais. J'ai vu ma vie comme un tuche sans papier. J'ai dû distinguer les vrais puis les putes en quartier. Universal, j'ai vu ma plume s'encrasser dans la cité du fer avec des burnes en acier. J'ai vu ma vie comme un tuche sans papier. J'ai dû distinguer les vrais puis les putes en quartier. Universal, j'ai vu ma plume s'encrasser dans la cité du fer avec des burnes en acier.